mousoro, mon cœur a mousoro. Nimo.

Suzanne, de tampon, assis là-haut, mon cabrineur. moitié salaire, un problème de cœur. Le cœur n'a sans raison que la raison ignore. Ni ça va à l'île de la Réunion. Pour nous danse le Sega et le Maloya, mon Carina. Ni ça va visiter l'île de la Réunion. De la plaine des Capres à Saint-Eros. De Saint-Gilles à la Fournaise. De Saint-André à Papa, non, mon Carina. Laetitia, je t'en prie, Laetitia, de ne pas m'oublier. fête. Yo yo yo, on a venu toi martyr. Yo yo, on a venu la t'aimer. Yo yo yo, on a venu ma joie. Yo yo, on avait pas cherché profane. Yo yo, chez Charlie Mama. Yo yo, chez Donna Donna. Yo yo, on appelle ma chérie. Yo yo, on allait rapide, chérie. Malela.